Fait révélé par mon enquête sur le trafic de drogue CIA Contras au Salvador. Pour comprendre l'épidémie de crack qui déferla sur nos rues en 1984, il faut comprendre les effets du contrôle exercé par le Congrès sur les opérations secrètes. Plus précisément, dans le cas qui nous occupe, les amendements Bolland, votés à l'époque selon la volonté du peuple, dans le but de réduire le nombre d'opérations secrètes, et qui n'ont servi qu'à pousser la CIA, les militaires et certains éléments des renseignements américains à court-circuiter entièrement le Congrès et la Constitution, en s'engageant avidement dans un programme secret de financement des opérations interdites avec l'argent de la drogue, programme auquel on eut fréquemment recours. Comme mon collègue et ami Michael Ruppert l'a montré en rapportant son expérience des années 1970, la CIA a souvent ainsi ignoré les désirs du Congrès en recourant au trafic de drogue. Vietnam, Laos, Iran, Afghanistan, Pakistan, etc. Quand les amendements Bolland ont coupé court au financement des Contras par des subventions du gouvernement américain, George Bush, son conseiller à la sécurité nationale Don Gregg et Holly North se sont tournés vers certains gouvernements étrangers et ont sollicité des contributions privées pour remplacer l'argent public. Les sources criminelles de contributions potentielles ne furent pas exclues de leurs recherches. Fin 1981, par une série de décrets exécutifs et de directives émanant de la sécurité nationale, le vice-président Bush fut placé à la tête de toutes les opérations de renseignement de l'administration Reagan. Toutes les opérations secrètes menées à bien par des officiels de la CIA, du Pentagone et de toutes les autres agences fédérales, et par une armée de scélérats faite d'anciens opérateurs du renseignement et d'agents étrangers, toutes tombaient sous la responsabilité de George Bush. Gary Webb, journaliste au San Jose Mercury News, reconnaît qu'il n'avait tout simplement pas remonté la structure hiérarchique de la filière Contras jusqu'à la Maison-Blanche, bien qu'il ait eu connaissance de quelques éléments qui suggéraient que l'opération n'était pas du ressort de la seule CIA. Le 1er décembre 1981, le président Ronald Reagan signa un ordre qui autorisait la CIA à dépenser 19,9 millions de dollars pour fournir en secret une aide militaire aux Contras qui venait de se constituer. C'était à peine suffisant pour monter une attaque militaire sérieuse contre le régime sandiniste soutenu par les Soviétiques et les Cubains. En août 1982, George Bush a engagé Donald P. Gregg comme principal conseiller aux affaires de la sécurité nationale. Fin 1984, Gregg a présenté Oliver North à Félix Rodriguez, un agent de la CIA à la retraite, qui travaillait en Amérique centrale sur ordre de Bush depuis déjà un an. Gregg présenta personnellement Rodriguez à Bush le 22 janvier 1985. Deux jours après cette rencontre, Rodriguez partait au Salvador, où il s'assura de la mise en place à la base aérienne d'Ilo Pango d'une plateforme pour ses opérations. Le 1er novembre 1984, le FBI avait arrêté le partenaire de Rodriguez, Gérard Lachinian, condamné pour avoir introduit 10,3 millions de dollars de cocaïne aux États-Unis. Le 18 janvier 1985, Rodriguez eut, paraît-il, un rendez-vous avec Ramon Milan Rodriguez, un spécialiste du blanchiment d'argent qui avait à son actif le blanchiment d'1,5 milliard de dollars pour le compte du cartel de Medellin. Milan témoigna devant la commission d'enquête sénatoriale à propos du trafic de drogue dans l'affaire des Contras, qu'il avait déjà, bien avant cette rencontre en 1985, versé 10 millions de dollars provenant de la cocaïne aux Contras sur la requête de Félix Rodriguez. Le 10 septembre 1985, North écrivait dans son carnet « Présenté par Wally Gresham Litton, visite de Calero Bermudez à Ilopango pour Etab Sub Logist Mint. Au mois d'octobre 1985, à mon arrivée au Guatemala, je fus prévenu par l'attaché de la DEA du comté local, Robert J. Stia, que la DEA avait reçu des renseignements indiquant que les Contras du Salvador étaient impliqués dans le trafic de drogue. Pour la première fois, je me trouvais face aux contradictions de ma mission. La raison pour laquelle on m'avait prévenu, j'allais justement devenir l'agent responsable au Salvador. Ramiro Guerra, en tant qu'informateur guatémaltèque de la DEA, STG 810013, était chargé du renseignement sur les Contras au Salvador et au Guatemala. Au début des années 1980, c'était un fugitif de la DEA qui avait fui pour échapper à des chefs d'accusation RICO et CCE de rackets, de corruption et d'entreprises criminelles émanant de San Francisco. En 1986, il est devenu l'un des conseillers officiels du groupement militaire antidrogue salvadorien formé par la DEA. En 1989, toutes les charges qui pesaient sur lui ont été abandonnées, en conséquence de sa coopération avec la DEA en Amérique centrale. Guerra est toujours l'un des informateurs de la DEA au Guatemala. En décembre 1985, Brian Barger, journaliste de CNN, exposa toute l'histoire de l'implication des Contras dans le trafic de drogue. Note extraite de mon journal et collecte de preuves. Le 13 janvier 1986, j'ai écrit un rapport au sujet du Salvador classé à la DEA, GFTG 86-9145. Le 16 janvier 1986, HK-1217W, Carlos Silva et Tulio Pedras, pilotes Contras. Le 23 janvier 1986, GFTG 86-99-99, Renseignement aérien El Salvador, TG 86-0003, Samana et Raoul. En 1986, j'ai placé un informateur, Marcio Murga, à l'aérodrome d'Ilopango, au Salvador. Il faisait partie de l'organisation. Il préparait les plans de vol de la plupart des pilotes Contras. Saisir leur nom dans NADIS révéla que la majorité d'entre eux avaient déjà un dossier à la DEA en tant que trafiquant. Voir mon mémo DEA daté du 2-14-89.